Dans ce contexte, faut-il, oui ou non, revenir sur le bouclier fiscal? Question posée, y compris dans la majorité. Le député UMP René Coineau va demander à l'Assemblée... On demande une mesure de bon sens, hein, qui est simplement de suspendre. C'est très mal ressenti dans l'opinion. Les personnes à bas revenus, effectivement, critiquent beaucoup cette mesure. Donc ça sera encore une fois un signe de confiance à donner. Hors de question, répond déjà Jean-François Copé.